إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 15 dans la lecture du livre de l'explication de la Aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et on était hier en train d'expliquer les preuves de Al-Ulu, les preuves au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de sa création, qu'il est le très haut, le plus haut. Et on a mentionné qu'il y a à ce sujet-là des preuves du Qur'an, de la Sunna, de l'Ijma', de la raison, l'Aql et de la Fitra. Et le Cheikh Mohammed rahimahullah, il a commencé à énumérer quelques exemples de preuves à ce sujet-là. Et il a mentionné les preuves. On a lu ensemble les preuves du Coran. On a lu ensemble les preuves de la Sunna. Maintenant, on va continuer encore dans, la suite des preuves maintenant qui sont les preuves de Al-Ijma'. Et Al-Ijma', en français, ça signifie le consensus. Donc, les choses sur lesquelles tous les sahaba, les tabi'in, les imams de l'islam, ils ont tous été d'accord. Il n'y a pas eu de divergence entre eux là-dessus. Et donc, le shaykh, il dit, وَأَمَّا دَلِيلُ الْإِجْمَعِ فَإِنَّ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْأُمَّةِ بَعْدَهُمْ كُلُّهُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ بِذَاتِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إن الله ليس في السماء فإن قال قائل ما هو الدليل على إجماعهم قلنا الدليل على إجماعهم من وجه خفي لكن ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة وهو أن يقال نصوص الكتاب والسنة دالة على علو الله بالذات ولم يرد قول أو قول واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها إذن هم مجمعون على مدلولها ولهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه وهذا المسلك لإثبات الإجماع وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. Donc le cheikh il mentionne, il dit en ce qui concerne les preuves du consensus, il dit, eh bien on va dire que à ce sujet-là, les sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, radiyallahu anhum, ainsi que les tabi'un et les imams de la religion qui sont venus après eux, ils sont tous d'accord pour déclarer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute chose par sa personne, par son être. Et aucun d'entre eux n'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas dans les cieux ou au-dessus des cieux. Et donc si quelqu'un posait la question ou quelqu'un disait quelle est la preuve de leur consensus, eh bien le cheikh il répond en disant on répond à cela en disant que la preuve de leur ijma, de leur consensus, c'est un peu subtil, mais il est important que la personne qui cherche la science, le talib ilm, il la connaisse. C'est important que le talib ilm, celui qui recherche la science, il connaisse ce genre de preuves. Même si c'est une preuve qui est subtile, il doit la connaître et la comprendre, parce qu'il y a dans ça un grand bienfait. Il y a dans ça un grand bienfait et quelque chose de profitable. Il dit, et la preuve, c'est de dire que les textes du Coran et de la Sunna ont prouvé que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, au-dessus de sa création, dans son être, et par sa personne. Et il n'y a rien qui a été rapporté des paroles. Il n'y a pas une seule parole d'un seul sahabi qui a été rapportée pour interpréter les preuves d'une manière qui serait contraire à son sens apparent. Donc, ils sont tous d'accord pour dire ce qu'indique ce verset-là et ces versets qui parlent du fait qu'Allah est élevé. Ils sont tous d'accord sur ça. Il dit, c'est pour ça que lorsque le Coran et la Sunna ont prouvé quelque chose et ont indiqué quelque chose, eh bien, s'il n'y a pas une parole d'un sahabi qui vient contredire, cette parole, ou vient contredire dans sa compréhension, alors cela signifie qu'ils sont d'accord sur cette signification-là et sur ce sens-là. Et ça, c'est une voie ou un chemin pour affirmer le consensus qui peut échapper à certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas, par exemple, trouver ou comprendre cette façon d'affirmer le consensus. Mais quand on y réfléchit bien comme il faut, on voit que, en fait, c'est pour dire que le sens des versets qui parlent du fait qu'Allah est au-dessus de son trône, ou le sens des autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms n'était pas le sens apparent, eh bien, on aurait au moins un hadith ou une parole d'un sahabi qui mentionnerait que il ne faut pas croire en ce qui est mentionné dans les textes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Qui viendrait dire non, non, non. Allah, il dit dans le Coran qu'il est au-dessus de son trône ou qu'il est élevé sur sa création. Mais il ne faut pas croire ça tel que c'est écrit. Il faut croire autrement. Mais il n'y a pas un hadith qui vient dire ça. Il n'y a pas une parole d'un sahabi qui vient dire ça. Donc, si c'était le cas, il l'aurait clarifié, il l'aurait expliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il disait aux gens par celui dont mon âme est en sa main, walladhi nafsi biyadih. À chaque fois qu'il a dit ça, ouais, ça c'est la clé, ouais, barakallahu fik. À chaque fois qu'il disait ça, est-ce que vous avez déjà trouvé dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, pensez pas que quand je suis en train de dire que Allah a une main, pensez pas que c'est une vraie main, pensez pas que c'est la main comme ci ou comme ça. Il n'a jamais nié quoi que ce soit de ça. La seule chose qu'il a fait, c'est d'affirmer que Allah a une main. Et la seule chose qu'il a nié, c'est la ressemblance entre le Créateur et la créature. Dans le verset dans lequel Allah dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire, il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. Et donc, il est élevé sur sa création d'une manière qui lui convient aussi. Et il est élevé sur son trône d'une manière qui lui convient aussi. Et qui n'implique aucune imperfection. Donc ça, on doit en être convaincu. Ensuite, il mentionne l'épreuve de la raison. Il dit, وَأَمَّا مِنَ الْعَقْلِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عُلُوِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَاتِهِ لِأَنَّنَا لَوْ سَأَلْنَا أَيُّ عَاقِلٍ هل العلو من صفات الكمال أو من صفات النقص؟ لقال إنها صفة كمال بلا شك. فالعلو صفة كمال بإجماع العقلاء. وقد ثبت لله تعالى كل وصف أو كل وصف كمال كما قال تعالى ولله المثل الأعلى والسفل نقص والله منزه عن ذلك النقص فدل العقل على علو الله تعالى من وجهين الوجه الأول ثبوت صفة الكمال لله ثبوت صفة الكمال له والوجه الثاني انتفاء صفات النقص عنه. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne l'épreuve de la raison, eh bien on peut dire que la raison indique et prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de toute chose, par son être et sa personne, parce que si on demande à n'importe quelle personne qui est raisonnable hein, et qui réfléchit, si on lui demande est-ce que le fait d'être élevé et d'être haut, c'est un attribut qui est un attribut de perfection ou c'est un attribut d'imperfection, ou est-ce que c'est quelque chose qui représente une déficience ou un manquement ou quelque chose de rabaissant hein? Et le cheikh il dit c'est certain que n'importe qui répondrait à cette question là en disant que cet attribut est un attribut de perfection. Il n'y a pas de doute que le fait d'être élevé, le fait d'être haut, c'est quelque chose qui est une perfection, et ça c'est selon le consensus des gens intelligents. Le consensus des gens qui réfléchissent et qui utilisent leur intelligence. Et il dit وَقَدْ ثَبَتَ, et ça a été confirmé, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé tout attribut de perfection. Toutes ces attributs sont des attributs de perfection. Ça veut dire que s'il mentionne quelque chose dans le Coran, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne quelque chose dans la sunna à propos d'Allah, ça veut dire que c'est une perfection. Il n'y a pas d'imperfection dedans. Hein? Et donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 60, dans surat An-Nahl, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, hein? C'est à lui qu'appartient le meilleur exemple. Hein? Et donc, ça veut dire qu'il a toute la perfection. Et tout ce qui lui est attribué comme nom ou comme attribut, c'est toujours le meilleur et le plus parfait possible. Et le plus parfait qui soit. Et il dit donc que par opposition à ça, le fait d'être rabaissé ou d'être bas, ça c'est une imperfection. Ça c'est une déficience, c'est un manquement, c'est un défaut, c'est quelque chose qui dénigre ou qui rabaisse. Hein? Déjà on dit même quelque chose qui est rabaissé, c'est comme quelque chose qui est humilié. Donc le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, hein, c'est une perfection, et le fait de dire que quelque chose est rabaissé, c'est une imperfection. Et Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ce genre d'imperfection là. Et il dit فَدَلَّ الْعَقْلُ عَلَى عُلُوِ اللَّهِ, donc la raison a confirmé et a prouvé que Allah est au-dessus de sa création de deux points de vue. Le premier point de vue du fait que Allah a affirmé pour lui-même toutes les attributs de perfection, et le deuxième point de vue c'est que il a nié pour sa propre personne toute imperfection et tout défaut ou toute chose qui serait un manquement quelconque. Et il dit ensuite فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ وَهَلْ لَنَا أَنْ نَسْتَدِلَّ بالعقل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته, قلنا إنما يتعلق بأمور الأسماء والصفات فهي من أمور الغيب, وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحض, لا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الأسماء والصفات لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه, وعلى هذا فإن العقل يدرك إدراكا عاما بأن الرب لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال, وهذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل أحيانا على ثبوت الصفة لله بالسمع والعقل فنقول دليله من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراكها بالعقل. ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الأسماء والصفات، لأنه يؤدي به الخطأ إلى تحريف الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل، ولكنه في الحقيقة عقل، يعني أي منع، يعني عقل عقل أي منع عقل. والعقل أصل معناه المنع، ومنه العقال للبعير سمي به لأنه يمنع عما لا يليق، مادة عقل. نعم، فهو عقل عقل وليس عقلا، يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه. Donc on va traduire ça puis on va continuer là, par la suite avec le reste. Le cheikh il dit, si quelqu'un posait la question est-ce que nous avons le droit d'utiliser la raison comme preuve, yani, ou comme de se baser sur la raison comme preuve en ce qui concerne les noms et les attributs. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne les choses qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que ce sont des choses qui ont rapport avec l'invisible. Et les affaires qui sont reliées à l'invisible se basent sur l'information qui est tirée uniquement de la révélation. D'accord ? Et donc on ne peut pas entrer dans les détails des questions qui ont rapport avec les noms et les attributs en se basant sur la raison seulement. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui soit semblable, il n'y a rien qui lui soit pareil, il n'y a rien comme lui. Et donc on ne peut pas le comparer avec sa créature ou faire des analogies entre lui et sa créature. Et donc quand le cheikh dit, on ne peut pas rentrer la raison dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs de manière détaillée. De manière détaillée. Et il dit, et c'est pour cette raison que la raison, elle est capable de comprendre certaines choses de manière générale en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, et on est capable, par exemple, de comprendre par la raison que Allah doit posséder les attributs de perfection. Ça c'est possible. Et c'est des questions qui ont rapport avec le sens général. Tandis que, si on veut rentrer dans les détails, eh bien, on va se baser sur la révélation. Il dit, par exemple, c'est pour ça que on se base parfois sur l'affirmation des attributs par la raison et par la révélation et par la raison. Donc on va dire par exemple la preuve de l'affirmation de telle chose, de tel attribut à Allah dans la révélation est la suivante. Puis on dit parfois aussi et la preuve de la raison est la suivante. Ça, c'est de façon générale. Tandis que dans les détails, on ne peut pas comprendre les détails de ces choses-là par la raison. Et il dit, c'est pour ça que la personne qui se base uniquement sur la raison dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah, eh bien, ça, c'est une erreur. Hein? Il commet une erreur en agissant ainsi. Parce que Ça risque de l'amener à vouloir par la suite déformer le sens des textes du Coran et de la Sunna dans le but de justifier ce qu'il a prétendu par sa raison. Par exemple, c'est ce qui est arrivé au Jahmiya et au Mu'tazila et au Asha'ira. Ils ont établi pour eux-mêmes des règles pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur la logique et la raison. Puis ils en ont fait des principes et des règles. Puis par la suite, quand ils trouvent un verset ou un hadith qui affirme un attribut ou une attribut que leurs règles n'ont pas affirmé, hein, et bien là, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rejeter l'attribut. Et, ou bien ils vont la rejeter, la renier, ou bien ils vont l'interpréter d'une manière qui est tordue, hein, qui est contraire à sa signification réelle, pour que, yani, ce soit en accord avec leurs principes et les règles qu'ils ont inventées pour comprendre les attributs d'Allah et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est dangereux parce que ça peut amener les gens à tomber dans la falsification de la révélation, puis yani, l'égarement par la suite. Et le cheikh, il dit donc que en réalité, cette personne, elle prétend appeler à la raison, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui empêche justement d'agir ou de suivre ce qui est raisonnable. Et il fait un jeu de mots en même temps ici avec le mot raison en arabe, qui est le mot aql. Hein, al-aqlu, c'est la raison. Et à l'origine, le mot aql, ça signifie al-man'u. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, al-aql, c'est ce qui te retient, ce qui t'empêche de faire quelque chose. On dit, yani, al-aql, ça vient de, à l'origine de, dans la signification, c'est la même que al-man'u. Pourquoi? Parce que al-man'u, c'est le fait de s'empêcher, d'empêcher quelque chose ou de retenir quelque chose. Donc, tu vas dire, par exemple, ta raison, on l'appelle aql. Pourquoi? Parce qu'elle te retient, elle t'empêche de faire des choses qui sont pas bonnes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit, yani, que al-aql, ça vient de al-man'. Pourquoi? Parce que lorsque t'as ta raison, elle t'empêche de faire des choses qui sont laides ou qui sont mauvaises ou qui sont pas bonnes pour toi. Par exemple, tu vas pas mettre ta main dans le feu, hein, parce que tu sais que ça va te brûler. Donc c'est qu'est-ce qui t'empêche de mettre ta main dans le feu? C'est ta raison, hein. Donc ça, c'est un exemple, ok. Et aussi le terme en arabe iqal, même encore aujourd'hui on l'appelle iqal. C'est souvent, vous allez voir ça chez les Arabes. Ils portent un chimar ou une routra sur la tête, hein. C'est le foulard qu'ils portent là sur la tête, et ils vont mettre un anneau noir, hein, pour retenir le foulard comme ça sur leur tête. Ça s'appelle le rond là qu'ils mettent sur la tête, l'anneau là, ça s'appelle iqal en arabe. Et on dit que à l'origine, les Arabes, ils utilisaient cette chose pour attacher les jambes des chameaux pour pas qu'ils s'enfuient. Ça, c'était comme un genre d'attache pour les pieds, pour pas que les chameaux s'éloignent, hein. Et donc on l'appelle iqal. Pourquoi? Parce qu'il le retient, hein, il le retient. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut, une sœur qui veut rentrer, donc si tu peux aller pour ouvrir la porte et fermer le rideau. Ah, ok, il est arrivé le... Barakallahu fik. Oui, c'est beau. Merci beaucoup, hein. Ça, c'est notre iftar qui est arrivé. Bah, espérons pour eux. Ce qui reste ne sera pas gaspillé, inshallah. Bon. Pour revenir à notre sujet, donc al-aql, c'est quelque chose donc, hein, qu'on peut employer pour affirmer des choses générales, des choses de façon générale. On sait que les attributs d'Allah, c'est des attributs de perfection, et on est capable de comprendre ça par la raison, c'est logique. Mais en même temps, il faut comprendre que les détails ne peuvent pas être établis par la raison. Ça doit être établi par la révélation. Et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, quand ils parlent des noms et des attributs d'Allah, ils se basent sur la révélation, sur les textes du Coran et de la Sunnah, pour parler d'Allah et pour affirmer ce qui est affirmé à Allah ou nier ce qui est nié. On ne se base pas sur notre logique ou sur notre raison. Et à ce sujet-là, on voit par exemple, comme le Cheikh l'avait mentionné déjà dans les cours précédents, que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il est au-dessus de son trône, ça, on l'affirme uniquement par rapport à la révélation. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne pourrait pas être su sans que Allah l'ait mentionné dans la révélation. On n'aurait pas pu savoir que Allah est au-dessus de son trône s'il ne nous avait pas informé qu'il est au-dessus de son trône. D'accord ? Donc, on ne peut pas affirmer ça par la logique ou la raison. D'accord ? Tandis que Al-Ulu, on peut le comprendre par la raison, puisqu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de toute chose, et que ça fait partie des attributs de perfection. D'accord ? Et donc c'est ça qui est un exemple qui nous montre ça. En même temps aussi, si n'importe qui par exemple te dit, par exemple chez moi j'ai un grand matelas dans ma chambre, j'ai un grand matelas, est-ce que toi tu peux dire à propos de ce matelas il est rouge, il est vert, il est en soie, est-ce que tu peux? Non, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il te l'a pas dit, hein? Tu peux pas commencer à inventer des choses. Tu peux dire il a un matelas, un grand matelas, parce qu'il t'a dit j'ai un grand matelas dans ma chambre. Mais tu peux pas dire autre chose. Tu peux pas commencer à rajouter des choses que tu sais pas. Ou tu peux pas non plus nier non plus. Tu peux pas dire ah mais il est pas en soie, il est pas en coton, il est pas en satin, il a pas des ressorts. Pourquoi tu peux pas nier? Parce que tu le sais pas. Alors la règle à propos des noms et des attributs d'Allah, c'est la même chose. Tu peux pas affirmer excepté ce que Allah a affirmé. Et tu ne peux pas nier, excepté ce que Allah a nié. D'accord ? Quand tu vois par exemple des gens qui rentrent avec la philosophie dans les noms et les attributs d'Allah, et qui commencent à vouloir jouer avec les trucs de philosophie pour mélanger les gens dans la aqidah, ils disent, oui mais vous dites qu'Allah est au-dessus de sa création, qu'il est au-dessus de son trône. Ça veut dire que si vous dites ça, ça veut dire que vous dites qu'Allah est dans un espace, ou dans un endroit, ou dans un lieu. Et c'est Allah qui a créé le lieu, et c'est Allah qui a créé l'endroit, et c'est Allah qui a créé la direction. Comment vous pouvez dire que Allah est dans une direction, alors que c'est lui qui a créé la direction? Il joue comme ça avec la philosophie. Et les ulama ont dit, on ne dit pas que Allah est dans un endroit, ou dans un lieu, ou dans une direction. On dit ce que Allah a dit. Et on ne dit pas qu'il n'est pas dans un lieu, ou dans un endroit, ou dans une direction, puisqu'il n'a pas nié qu'il était dans un lieu, dans un endroit, dans une direction. Mais on s'arrête là où il s'est arrêté. Et on mentionne ce qu'il a mentionné, c'est tout. Et on affirme ce qu'il a affirmé. Maintenant, quand, par exemple, on regarde l'exemple, par exemple, que les ulama des salafs ont réfuté, par lequel ils ont réfuté les gens de kalam et les gens de philosophie comme ça qui veulent parler d'Allah sans science, l'imam Ahmad il les a réfutés avec un argument vraiment, vraiment solide, hein? Parce qu'une fois, c'est déjà arrivé une fois que j'avais une discussion avec un d'entre ces gens là, puis là il me disait non, Allah il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. J'ai dit, dans ce cas-là, j'ai dit, qu'est-ce que tu viens me décrire maintenant? Ça, c'est le néant. C'est la description du néant. Si je te demande de me dire qu'est-ce que c'est le néant, il n'y a pas une meilleure définition que celle que tu viens de me donner là. Hein? Donc en réalité, en disant ça, tu me dis que Allah il n'existe pas. Hein? En d'autres mots, c'est ça que tu dis. Et là, il m'a dit, mais non, quand Allah n'avait pas existé, au début, le monde n'existait pas, il n'y avait rien qui existait, c'était le néant. Puis après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde. Et il est tel qu'il était avant d'avoir créé le monde. J'ai dit oui. Hein? J'ai dit, mais ça c'est un argument contre toi. J'ai dit, l'imam Ahmad, il a posé la question au Jahmi. Il a dit, quand Allah a créé la création, hein? Au début il n'y avait pas de création. Puis il a décidé de créer la création. Est-ce qu'il a créé à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? C'est un des deux. Et si tu dis qu'il a créé à l'intérieur de lui-même, ça c'est kouf. Parce que Allah, il n'est pas créé et il n'y a rien de créé en lui. Donc si tu dis qu'il a créé en lui-même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en lui qui est créé. Ça c'est du kouf. Ou bien tu dis qu'il a créé à l'extérieur de lui-même. Et c'est ça la vérité. Hein? Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, c'est tout. Y a pas plus, t'as pas à aller plus loin que ça. Et avec cet argument-là, il les a écrasés. Il ne savait plus quoi répondre après, par la suite. Hein? Donc, les gens, des fois, ils essaient trop de philosopher et ils dépassent leurs limites et ils rentrent dans des choses qui les amènent parfois dans la mécréance même. Allah al-musta'an. Donc, le cheikh, il dit, فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ Hein? Le jeu de mots c'est quoi? Ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'aql c'est qu'est-ce qui empêche. Donc aql ou aqlin, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche de la raison. Il dit ça c'est pas de la raison, c'est qu'est-ce qui empêche la raison. Donc ça, هذا ليس عقلا هذا عقل عقل. C'est comme en fait quand tu comprends le fait que le mot عقل ça veut dire empêcher et puis que ça veut dire la raison aussi, et bien là quand il dit عقل عقل ça veut dire empêcher la raison. Donc c'est pas de la logique ça, c'est qu'est-ce qui empêche justement, qui bloque la raison. Na'am. Après le cheikh il dit, donc, comment peux-tu juger à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et parler à propos d'Allah en te basant uniquement sur ta raison qui est limitée? Hein? وَهَلْ هَذَا إِلَّا عَقْلٌ لِلْعَقْلِ الرَّشِيدِ. Il dit, est-ce que ça c'est autre chose que quelque chose qui va t'empêcher d'utiliser ou d'avoir une raison qui est droite? ولهذا ضل من ضل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل والإدراك على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي لأنهم لكنهم كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, et donc c'est ça qui est arrivé à toute personne qui s'est égarée parmi les gens qui se sont égarés et qui avaient une certaine forme d'intelligence ou de raison, hein, qui leur permettait de réfléchir ou de comprendre certaines choses, mais qui ils n'ont pas respecté leur raison. Ils n'ont pas respecté leur propre intelligence. Ils ont dépassé la limite de qu'est-ce que leur cerveau est capable de comprendre. Et il dit, c'est comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit à leur sujet, à propos de ces soi-disant philosophes. Il a dit, ils ont reçu de la compréhension, fuhuman, mais ils n'ont pas reçu uluman, des sciences. Ils ont reçu de la compréhension, mais ils n'ont pas reçu la science de la religion. Wa utu zaka'an, ils ont reçu de l'intelligence, hein, on leur a donné de l'intelligence, zaka, de l'intelligence, walam yu'tu zaka'an. Al-zaka wa zaka, c'est deux mots qui sont proches. La différence, c'est la première lettre, le zal et le za. Hein? Donc, al-zaka, c'est la pureté, et al-zaka, avec zal, c'est l'intelligence. Donc, Ibn Taymiyyah, il dit, ils ont reçu l'intelligence, mais ils n'ont pas reçu la purification, la pureté. Ils ont reçu de la compréhension, mais ils n'ont pas reçu la science. Hein? C'est ça la réalité des philosophes. Il dit, فمثلا إذا قال قائل القدرة صفة كمال يعلم ذلك بالعقل فنثبت لله صفة العقل صفة القدرة عفوا فنثبت لله صفة القدرة ولكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة نأتي أولا بالدليل السمعي ثم نأتي بالدليل العقلي والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد بصحته. Donc le cheikh il dit, par exemple, si quelqu'un posait la question, ou si quelqu'un disait plutôt, la puissance est un attribut de perfection. La puissance est un attribut de perfection. Et on peut connaître cela, ou on peut le connaître ou le savoir par la logique, par la raison. Ça c'est possible. On est capable de savoir que la force, la puissance, c'est un attribut de perfection, logiquement. Et il dit, et nous affirmons donc à Allah l'attribut de la perfection. Le cheikh, il dit, mais que dire de toutes les autres preuves hein, qui sont mentionnées dans la révélation et qui affirment la puissance. Et donc il dit, nous, on prend la preuve en premier de la révélation, puis ensuite on ramène la preuve de la raison pour confirmer et témoigner de la véracité de qu'est-ce qui est mentionné dans la révélation à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la raison, elle n'est pas utilisée comme preuve principale, elle est utilisée comme preuve secondaire, dans le sens qu'elle vient confirmer et yani, disons témoigner de la véracité de ce que la révélation a établi et confirmé. Il dit: وَأَمَّا الْفِطْرَة دَلِيلُ الْفِطْرَةِ فَكُلُّ إِنْسَانٍ مَفْتُورٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ يعني حتى الكفار فلو دعا الكافر ربه على وهلة لرأيته يتجه قلبه نحو السماء بل العجوز التي لا تقرأ ولا تعرف شيئا من الكتب تعرف أن الله فوق وهي عجوز لا تدري لكن بمقتضى فطرتها تجدها في مصلاها تقول يا رب ترفع يديها إلى الله عز وجل فمن أعلمها بذلك الجواب فطرتها فهذا شيء مفطور عليه الخلق بل كل إنسان الآن يدعو ربه يتجه قلبه للسماء يا رب قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب والذي دله على ذلك الفطرة. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la preuve de la fitra, de la nature propre, la nature saine, hein, eh bien, on peut mentionner à ce sujet, yani, le fait que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé avec en lui-même, dans son âme, la conscience et la connaissance du fait que Allah est aux cieux et qu'il est au-dessus de sa création, même les kuffars. Hein, même les kuffars. Il dit, si tu vois par exemple qu'il invoque un kafir, il invoque son Seigneur, il invoque Allah, hein, et ben, yani, dans un moment de détresse ou quoi, tout de suite son cœur se dirige vers le ciel. Il dit, même une personne âgée, une femme ou un homme qui est âgé, qui ne sait pas lire ni écrire, rien, qui n'a jamais étudié les livres de religion, hein, elle sait que Allah est au-dessus, hein, de sa création. Hein, alors qu'elle est vieille, elle ne sait rien, elle n'a pas étudié. Mais par sa fitra, hein, c'est sa nature saine, la nature du fait que elle est restée sur sa nature saine sur laquelle Allah l'a créée, le tawhid, et donc elle est assise en train de prier, elle lève ses mains vers Allah, hein, vers le ciel. Qui lui a enseigné ça? C'est sa fitra, hein, parce qu'elle a été créée, hein, sa nature, elle a été créée ainsi. Donc tout être humain maintenant, quand il va invoquer Allah, il va se tourner vers le ciel, hein, il dit oh mon Seigneur. Même les kuffars, quand ils parlent, ils lèvent comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Hein? Les kuffars, c'est comme ça. Hein? Même ils savent que. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Et donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que l'homme qui était dans le désert, qui était en détresse, qui n'avait rien à manger, qui était en, hein, toute plein de poussière, et il lève ses mains vers le ciel et dit Ya Rab. Ya Rab, hein? Ça c'est des preuves de la fitra. Naam. Donc, je pense que le adhan c'est dans quelques instants. Oui, dans 5 minutes. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça peut-être demain, pas demain, mais samedi prochain, Inch'Allah. Donc. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.